L'actualité à Nancy et ailleurs. Moselle Gaming Online Easter Edition, organisée du 9 au 25 avril par l'association Lana France et plein d'autres. Pour nous en parler, nous avons le plaisir de recevoir Gabi de l'association Lana France. Bonjour. Bonjour. Est-ce que dans un premier temps, vous pouvez nous présenter la Moselle Gaming Online Easter Edition ? MGO, donc c'est les initiales de Moselle Gaming Online. Ça a été créé dans le but d'animer la jeunesse mosellane. Dans ce projet, on est accompagné par le département de la Moselle et le CD Junior Moselle. Et ça consiste simplement, avec des associations mosellanes, de créer un planning sur lesquels on propose des créneaux de jeu. Et tout le monde est le bienvenu sur ces créneaux de jeu. Cette édition est en version numérique, Covid oblige, mais il y a déjà eu d'autres éditions par les années précédentes qui étaient cette fois-ci en présentiel. Oui, exactement. Donc on avait eu, par exemple, Moselle Gaming Network, qui, dans ce cas-là, était bien physique. On avait des ordinateurs en physique, les gens venaient en physique, et on avait cet esprit un petit peu LAN. Donc qui perdure dans le temps, qui existe les LAN depuis maintenant des années et des années, ça doit bien faire 20 ans. Et là, on est toujours présent même online pour continuer à maintenir un lien avec les joueurs et simplement continuer à faire plaisir à tout le monde. On l'a dit, c'est la Easter édition, la version donc un peu Pâques. Ça veut dire qu'il y a eu d'autres éditions de Moselle Gaming Online avant celle-ci ? Exactement, on a eu la Moselle Gaming Online tout court, on avait eu la Moselle Gaming Online Winter Edition, qui se passait en hiver. C'était mois de février, si je ne me trompe pas. Chaque fois, on le fait sur les vacances scolaires de la zone B. Bon, là, en l'occurrence, on est sur les mêmes zones de vacances pour les trois zones, puisque Covid oblige. Effectivement, il y a eu plusieurs éditions. J'espère que ça continuera dans ce sens-là. On accueille à peu près 700 joueurs sur notre Discord. On a des tournois qui peuvent atteindre 80 joueurs, voire peut-être un peu plus. On a d'autres tournois qui en accueillent 32 en fonction des équipes, et c'est un vrai plaisir, quoi. Et alors, justement, qui peut participer ? Est-ce qu'il faut obligatoirement être Mosellan ou n'importe qui peut participer ? Aucune obligation d'être Mosellan. Donc, sur le principe, on le fait pour la Moselle, donc prioritairement sur les jeunes de Moselle, mais l'événement est bien ouvert à tous et à toutes. Peu importe l'âge, on a adapté des sessions de jeu. Donc il y a des sessions de jeu qui peuvent commencer peut-être à une dizaine d'années, donc accompagner des parents ou non, ça c'est les parents qui gèrent depuis chez eux. Et nous, de notre côté, on va ouvrir aussi des sessions de jeu au plus grand, donc sur des âges de 16 ans par exemple pour Valorant et plus pour Counter-Strike. Donc les adultes ne sont pas refusés sur notre événement non plus. Donc tout âge et tout public si on résume bien. Alors justement, si on veut retrouver peut-être le planning, les différents jeux qui sont proposés, où est-ce qu'on peut retrouver ces informations ? Et ben, ces informations-là sont disponibles sur le Discord Moselle Gaming Online. Vous allez simplement aller sur Internet, taper Moselle Gaming Online Discord. Vous trouverez un lien automatiquement pour nous rejoindre. Une fois sur le Discord, il suffit de regarder dans le channel, donc dans le salon annonce, vous avez les plannings. Si des jeux vous intéressent, vous avez simplement à choisir vos rôles dans le salon écrit rôle. Et on pourra retrouver aussi les plannings avec tous les horaires des différents jeux. Alors, exactement. On l'a dit, Lana France est organisatrice de cet événement, mais ce n'est pas la seule association, il me semble, qui est partenaire de l'événement. Exactement. Là, sur cet événement, on va accueillir aussi Five Stevie qui nous accompagne sur beaucoup d'événements, des événements physiques comme des événements online. C'est une bonne épaule sur laquelle se reposer. Et nous avons aussi, depuis peu, Mozellan Project, qu'on a rencontré justement grâce à ces événements, et avec qui je pense qu'on va créer d'autres liens et pouvoir faire du physique avec eux, donc des LAN physiques, dans des salles, etc. Ce serait avec plaisir. Quand on pourra, évidemment, en refaire. On espère que ça ira bientôt, évidemment. Ouais. Alors, on le sait aussi avec l'avènement de l'e-sport, notamment Twitch a pas mal monté. Est-ce que les sessions de jeu, les tournois sont diffusés ? Est-ce qu'on peut les suivre même sans être joueur ? Alors, exactement. Je confirme qu'on peut les suivre. On peut tout à fait les regarder. Pour ça, c'est simple. Sur chaque événement, donc tous ne sont pas malheureusement stream, puisque ça demande du personnel, ça demande des bénévoles, ça demande des volontaires. et il y a certains jeux qui ne le sont pas, mais la plupart de nos jeux sont streamés, et vous verrez sur le Discord, dont le lien je vous ai donné tout à l'heure, comment le rejoindre. Dans ce Discord, vous aurez un petit salon avec écrit hashtag stream, et dans ce salon, vous aurez une annonce à chaque stream commencé. Donc on a eu du The Binding of Isaac, du Valorant qui a été stream, et là ça va continuer tout au long des deux semaines. Jusqu'au 25 avril inclus. Exactement. Merci beaucoup Gabi de l'association Lana France d'être venu nous présenter cette Moselle Gaming Online Easter Edition. On le rappelle, pour retrouver toutes les informations, rendez-vous sur le Discord de l'événement donc, et pour ça il vous suffit de taper Moselle Gaming Online Discord sur internet et vous trouverez le lien. Merci encore Gabi. Ben, merci à toi pour cette interview, et puis promouvons ensemble le e-sport. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fadjet. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.